tentatives qui sont faites pour le nommer roi. À ce cruel outrage fait au Sénat, il ajouta un trait d'orgueil encore plus odieux. Il rentrait dans Rome, après le sacrifice des féries latines, lorsqu'au milieu des acclamations excessives et inouïes du peuple, un homme se détachant de la foule alla poser sur sa statue une couronne de laurier, nouée par devant d'une bandelette blanche. Les tribuns de la plèbe Ebidius Marullus et Caecilius Flavius firent enlever la bandelette et conduire l'homme en prison. Mais César, voyant avec douleur que cette allusion à la royauté eut si peu de succès, ou comme il le prétendait, qu'on lui eût ravi la gloire du refus, apostropha durement les tribuns et les dépouilla de leur pouvoir. Jamais il ne put se laver du reproche déshonorant d'avoir ambitionné le titre de roi, quoiqu'il eût répondu un jour au peuple qui le saluait de ce nom « Je suis César et non pas roi », et qu'au fait Lupercal, il eût repoussé et fait porter au Capitole, sur la statue de Jupiter très bon et très grand, le diadème que le consul Antoine essaya, à plusieurs reprises, de placer sur sa tête, dans la tribune aux harangues. Bien plus, différents bruits coururent, il devait, disait-on, transporter à Alexandrie ou à Troie les richesses de l'Empire, après avoir épuisé l'Italie par des levées extraordinaires, et laissé à ses amis le gouvernement de Rome. On ajoutait qu'à la première assemblée du Sénat, le quinde Semvir, Lucius Cotta devait proposer de donner à César le nom de roi, puisqu'il était écrit dans les livres sibyllins que les Parthes ne pouvaient être vaincus que par un roi.